était à table. Le vin coulait à flot pour eux. Le vin coulait à flot pour eux. Ça leur était fort agréable. Et ils buvaient à plein tonneau, comme des trous, comme des trous. Morbleu, bien autrement que nous. Morbleu, bien autrement que nous. Buffet, il n'avait ni riche au buffet, ni verre de Venise. Mais ils avaient des gobelets, mais ils avaient des gobelets, aussi grands que leur barbe grise. Et ils buvaient à plein tonneau, comme des trous, comme des trous. Morbleu, bien autrement que nous. Morbleu, bien autrement que nous. Ils ne savaient ni le latin, ils ne savaient ni le latin, ni la théosophie. Mais ils avaient le goût du vin, mais ils avaient le goût du vin. C'était là leur philosophie. Et ils buvaient à plein tonneau, comme des trous, comme des trous. Morbleu, bien autrement que nous. Morbleu, bien autrement que nous. Lorsqu'ils avaient quelques chagrins ou quelques maladies, ils plantaient là le médecin, ils plantaient là le médecin, l'apothicaire, sa pharmacie. Et ils buvaient à plein tonneau, comme des trous, comme des trous. Morbleu, bien autrement que nous. Morbleu, bien autrement que nous. Et ils buvaient à plein tonneau, comme des trous, comme des trous. Morbleu, bien autrement que nous. Morbleu, bien autrement que nous. Amis, buvons à nos tonneaux, comme des trous, comme des trous. Morbleu, bien autrement